GRC, les types ne savent plus ce qu'ils font. Le cerveau éclaté, Oscar Iwara défonce. Texte écrit seul, je pense aux petites tests. Pas la vie facile, mais on a toujours fait avec. Chez nous y'a pas de city stade, le foot on le fait partout. Aussi violent que Marseille Paris dans un match, ça finit en partout. J'ai pas de vie de quartier, même pas d'idée pour mon texte. Je suis comme je le sens, sans prendre l'exemple de mon père. Tu peux écouter mon album, c'est certifié authentique. C'est pas un faux, ni un vrai, ça vient du cœur. C'est les rimes mélangées, ni couleur marbre. Ma vie n'est pas rose, j'écris pour soulager la douleur de tous ces mots. Le monde est stone, j'en peux plus. C'est certifié authentique, t'aimes pas, t'aimes pas.